cour et les filles, filles, filles, filles, filles, encore la cour et les filles, bientôt. En revenant de l'oreille de Margot, en revenant de l'oreille de Margot. Ils m'ont salué, Vilaine.